vie. Oh là là. Restons expérimental. Atame, atame, atame, atame. bien que tu serres, relâche. Ah. trop nombreux. Ah. Choisir encore, trier.